Chapitre 15. Les trois coups de feu. L'ours blanc se dirigeait vers une retraite inconnue. Un pareil homme qui avait été trappeur devait connaître quelques repères. Sans doute celui-ci était assez éloigné, car le soir venu, on s'arrêta pour camper. Les deux Indiens dressèrent une petite tente pour les prisonnières, une autre pour le maître et eux. L'ours était d'une humeur charmante. Il se voyait propriétaire de toute la rançon et pensait à la tête que feraient les autres en apprenant qu'il leur avait joué ce bon tour. Énormément d'argent et le plaisir d'avoir roulé des gens très fins. Nilsson surtout. Nilsson, le renard chat. En route, l'ours avait fait desserrer les liens des jeunes filles. On les délia tout à fait. Mais elles ne purent se lever, leurs poignets et leurs jarrets refusaient tout service. Elles restèrent couchées. L'ours fit la cuisine, il aimait ça, c'était un gourmand. Les Indiens s'occupaient des chevaux, c'était leur affaire. Ils les décelèrent, les entravèrent, mais en leur laissant la possibilité de marcher très lentement, puis ils les bouchonnèrent, les firent boire et les laissèrent paître. L'ours arrosait consciencieusement un cuisseau de daim qui rôtissait tout entier, à la ficelle, ou pour mieux dire à la corde, devant un très grand feu. Il n'y avait plus qu'une demi-heure de jour, et l'ours convoitait amoureusement son énorme gigot, le couvant de son petit œil gris, et puisant avec une cuillère le jus tombé dans la gamelle, il commençait par en arroser la corde de suspension pour qu'elle ne brûlât point. Puis il humectait toutes les parties du rôti, imprimant à la corde un mouvement de rotation lent. Tantôt le cuisseau tournait dans un sens, tantôt dans l'autre. Et un délicieux parfum de viande, bientôt rôti à point, se répandait dans l'air. Les Indiens vinrent s'asseoir près du maître qui leur dit « Mes enfants, ma fortune est faite. Aussi, la vôtre. Vous resterez avec moi, vous serez très heureux. Vous vous marierez. Je vous nourrirai bien, vous, vos femmes et vos enfants. Je vous donnerai de bons gages. Et nous boirons de bons coups. » Puis riant « Croyez-vous que nous les avons adroitement frappées, ces jeunes filles-là ? Mon idée était bonne, belle réussite. » Et les Indiens d'approuver. Tout à coup, une détonation retentit. Coup de feu tiré à 150 mètres, mais dont on ne voyait pas la fumée. Le tireur était masqué par un taillis et invisible. L'ours tomba, la poitrine trouée par une balle. Les deux Indiens sautèrent sur leurs fusils, mais sur qui tirer? Une seconde balle frappa l'un d'eux au bas-ventre. Il se roula par terre. Le second Indien prit la fuite. Il fut arrêté par une balle dans les reins. Alors le tireur se leva. C'était Rayon d'Or. Il s'avança, l'arc à la main, une flèche prête à être envoyée, une autre dans les dents, le fusil en bandoulière. Il tira sur le premier Indien agonisant et le perça de deux flèches. Dès lors, courte fut son agonie. L'autre, face contre terre, remuait pourtant encore un peu. Rayon d'Or lui lança son tomahawk, qui sépara à demi la tête du tronc. Il reprit son arme, l'essuya sur l'herbe, la remit à sa ceinture, puis il retira du corps de l'autre Indien les deux flèches dont il essuya les pointes, et il les mit en son carquois. Puis il alla voir les prisonnières. « Vous voilà délivrés, leur dit-il. L'ours est mort, mort ces Indiens. Mais vous ne pouvez marcher. » Il les frictionna au poignet avec du rhum pris dans sa gourde, et la circulation se rétablit très vite. « Je vous laisse le rhum, dit-il. Frictionnez vos jarrets. Nous causerons tout à l'heure. Je vais soigner le rôti. » Et il alla imprimer à la ficelle un mouvement de rotation. Puis il déposa ses armes, ne gardant que son couteau, et il alla scalper les morts. Rapide opération. Il alla au ruisseau qui coulait près du campement, il lava les scalpes, les égoutta et les mit à sécher devant le feu. De temps à autre, il faisait tourner le rôti doucement. Mais quand les scalpes furent à peu près secs, il les découpa en lanières garnies de cheveux qu'il enroula autour de ses jambes. Il en portait déjà, je l'ai dit. Il se leva pour voir l'effet que cela produisait et il dit « Pour un guerrier aussi jeune que moi, voilà des mocassins bien ornés. » Les prisonnières étaient parvenues à se lever. Elles se donnaient mutuellement le bras pour marcher et elles vinrent s'asseoir au foyer. « Monsieur Rayon d'Or, dit mademoiselle de Pellouère, je vous serai toute ma vie reconnaissante. « Moi aussi, » dit Nathalie. « Mais comment avez-vous su que nous étions prises par l'ours blanc ?»« Mademoiselle, » dit-il, « j'ai faim et vous devez être en appétit. Dînons d'abord, après nous causerons. Le principal est que vous soyez délivrés, le reste est secondaire. » Il détacha le rôti, le posa dans la gamelle et coupa. « Tout à fait à point, » dit-il en voyant le jus rose jaillir sous le couteau. « Un jeune daim, bête de choix. Troisième tête. » Il servit les jeunes filles. Celles-ci mangèrent de bon appétit, malgré le voisinage du corps de l'ours, sur lequel Bois Brûlé était assis sans façon. Il offrit d'aller chercher le corps de l'Indien pour en faire un siège aux deux jeunes filles, qui acceptèrent sans façon. Nathalie, ex-amazone de Béanzin, avait mangé de la chair fraîche de captifs décapités lors des fêtes des grandes coutumes sous le roi Béanzin, et elle n'avait pas précisément l'âme traitante et pitoyable à l'ennemi. Mademoiselle de Pellouère haïssait comme elle aimait. L'ennemi pour elle était l'ennemi. Elle ne se regardait comme tenue à aucun égard pour un adversaire mort. La faim apaisée, on causa. « Voici ce qui s'est passé, » dit Rayon d'Or. « Les directeurs avaient été vous enlever à l'île de Banks. Ils y retournaient. Ils savaient le chemin. Je n'avais qu'à suivre leur piste. Et je puis me vanter d'être un bon pisteur. Je suis renommé comme tel. Je me dis donc que je n'avais qu'à suivre les directeurs à un jour de distance. » Bien embusqués, je les surveillais et ils partirent. Et ils passèrent non loin de moi qui m'étais blotti sous bois près de leur sentier. Et je les ai entendus parler. « Ah !» disait l'un, « ce pauvre ours blanc est bien malade. Il est fou, sa cervelle est détraquée. Jamais ça ne se remettra. Je n'aurais pas cru ses blessures si graves, les coups emportés. » Ici, Rayon d'Or s'interrompit. « Je ne sais qui l'a frappé, l'ours, » dit-il. « Moi, » dit Mademoiselle de Pellouère. Elle conta ce qui s'était passé. Rayon d'Or en rit. « J'étais, » reprit-il, « convaincu que l'ours était très malade. Un des Indiens s'assura au galop que les directeurs s'éloignaient. Au galop, il retourna en prévenir son maître resté au camp. Et l'ours se leva, et l'ours dansa de joie. Je compris qu'il avait trompé les autres, et je devinais ses projets. Je les suivis pas à pas, et je vous ai délivré. Voilà l'histoire. » Mais, demanda Mademoiselle Pellouère, non sans étonnement, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Ne fallait-il pas, dit-il, que l'ours vous prie? Pourquoi? Il se mit à rire. Enfin, dit-il, vous avouerez que je ne suis pas bête, parce que je suis plus fin que vous ou une blanche. Il en était enchanté. De qui donc, demanda-t-il, étiez-vous prisonnière? De l'ours. Mais avant? Des Sioux. Et les Sioux avaient juré de ne vous rendre qu'au directeur. Et quand un Sioux a fait serment, c'est sacré. Il tient parole. Mais voilà les Sioux déliés du serment qu'ils ont fait. Du moment où l'ours vous a enlevé, vous n'êtes plus prisonnière des Sioux. C'est vrai. Si, délivré de l'ours, vous retourniez chez les Sioux, c'est en ami et non plus en captive, puisque vous avez recouvré votre liberté en tuant l'ours. Mais nous ne l'avons pas tué. Il faut que ce soit vous. Je vais scier les faces de ces trois hommes, ça fera comme trois masques. Je vais chercher une ruche sauvage et l'enfumer. Outre que nous mangerons du miel, nous enduirons les faces de ces brigands. Vous les montrerez et vous demanderez si on les reconnaît. On vous répondra oui. Alors vous raconterez votre enlèvement. Puis vous direz que dans la nuit, vous avez pu prendre des fusils et tuer ces scélérats qui avaient bu trop de rhum. Et vous exigerez du sachem et des guerriers qu'ils reconnaissent que vous êtes libres. Ils le feront. Mais promettez aux sorciers un beau cadeau pour qu'ils soient pour nous. Riant. Ils sont crédules, ces pauvres Sioux, et un sorcier leur fait faire ce qu'il veut. Nous pourrions porter les têtes entières, dit Mademoiselle de Pellouère. Et les scalpes, car je les ai scalpées, ces têtes. On vous demanderait ce que sont devenues les chevelures. Rayon d'Or, vous avez toujours raison. Avec quoi cirez-vous ces têtes? Oh, il doit y avoir une égoïne dans le bagage des morts. C'est un instrument indispensable dans les campements, et les cavaliers en portent toujours une de ces scies. Il se mit à chercher une égoïne, la trouva, et se livra à son travail anatomique en sifflant. Nathalie dit « Ce petit homme est un homme. » Elle se sentait pleine de reconnaissance et d'admiration pour ce jeune bois brûlé qui s'était si lestement débarrassé de trois hommes. Quand Rayon d'Or eut terminé, il dit aux jeunes filles « Et maintenant, dormons. Je suis fatigué et j'ai sommeil. Bonne nuit. » Il se glissa sous sa tente. Peu après, les jeunes filles en firent autant et s'endormirent. Nuit tranquille.